avec moi. Et qu'importe nos dérives, nos destinations, on trouvera bien à faire quelques révolutions. On s'en ira chanter nos vieilles galères aux sorciers des terres brûlées, leur dire que les seigneurs dans leur grande tour de verre n'en auront jamais assez. On fera les tours des mers sur des rafios percés aux capitaines éphémères. Et si on a le temps, on passera par chez moi. Y'a l'île de Siècle et l'île de Bas. On ira quand tu voudras vers des îles lointaines. On ira où tu voudras, mais viens avec moi. Et qu'importe nos dérives, nos destinations, on trouvera bien à faire quelques révolutions. Viens, on va s'embarquer, ce sera pas la misère. J'ai trop envie de tout changer. Tu vois bien, les seigneurs dans leur grand tour de verre partageront jamais leur blé. Alors faut pas s'en faire, allons prendre l'air sur le pont des cargos rouillés. Et si on a le temps, on passera par chez moi. Sur l'île de Siècle ou l'île de on trouvera bien à faire quelques révolutions.